pousse, quoi. D'accord. Bon, bah, en tout cas, si vous souhaitez pratiquer les voitures à pédales, essayer et même en construire, eh bien, l'association VAP de Serre vous attend dans la Manche, tout près de Réville. Justement, si on veut vous rejoindre, comment on vous contacte, Dominique ? Ah bah, soit, bah, on a une page Facebook VAP de Serre. Ouais. Alors, VAP de Serre, quoi, comme la rivière. Ou alors, bah, vous pouvez nous contacter par téléphone. Soit je donne mon numéro, soit vous appelez France Bleu qui va transmettre, quoi. Oui, oui, vous pouvez. Vous pouvez nous appeler, hein, 02 33 23 13 23 et on vous donnera le numéro de Dominique. Et puis nous, ben, on bricole, nous, tous les samedis après-midi, on est dans les ateliers en train de rénover, construire des nouvelles voitures et puis pour être prêt au mois d'avril l'année prochaine, parce que la saison commence au mois d'avril et on aura une course à Réville le 11 août. Eh bien, le 11 août 2024, on le note, course de voitures à pédales à Réville. Je vous remercie beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous. Mais de rien. Et puis, bonne préparation et quand même prudence hein, quand vous pédalez. Allez pas vous casser quelque chose. Oh non, non, c'est stable. On a quatre roues. Hein. C'est pas comme un vélo. On a la moitié plus de roues. Bon, bah ça va. Tout se passe bien alors. Merci beaucoup, Dominique. Et belle fin de journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir, à très bientôt sur France Bleu Cotentin. Dans les minutes qui viennent, eh bien, on va retrouver Émilie Mazoyer avec Décibel. On reviendra avec elle notamment sur le 66e anniversaire de la Reine de France. Alors, qui est la Reine de France, à votre avis ? Bah, je ne vous le dis pas, vous saurez tout dans un instant après les Beatles sur France Bleu Cotentin. Twist and Shout sur France Bleu Cotentin. Vous vous souvenez de la comédie musicale Le Soldat Rose ? C'était il y a plus de 15 ans. Eh bien, le spectacle repart en tournée. Émilie Mazoyer nous en dit quelques mots dans quelques secondes sur France Bleu Cotentin. Restez avec nous. Rien ne va plus au Stade Malherbe de Caen, incapable de gagner depuis 6 matchs. Pour éviter la crise, il va falloir vite relever la tête face à Auxerre ce week-end. Caen-Auxerre, 11e journée de Ligue 2. Un match à vivre ce samedi à 15h sur France Bleu Cotentin.

kilomètres. Ça fait éteindre des abat-jours. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jours. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. Christophe Maé, Amadou et Mariam, l'amour sur France Bleu Cotentin. Il est tout juste 16h28 et leur activité, leur passion dynamise notre territoire. On a rendez-vous avec eux tous les jours sur France Bleu Cotentin. C'est l'écho d'ici et aujourd'hui c'était avec Patricia de Verdière. Elle est modiste à Cherbourg, chapeau sur mesure, chapeau de ville, de soirée. Ses créations habillent eh bien toutes les têtes du Cotentin et d'ailleurs tout ça sous le nom de Patouche Chapeau. C'était un surnom à la base en plus. S'il paraît. Oui, voilà, c'était un petit nom quand j'étais jeune fille. Ah, c'est tout mignon ça, Patouche. Ouais, donc j'ai gardé. Bah ouais. Patouche chapeau. Patouche chapeau, déjà c'est tout mignon, ça se retient vite, ça c'est sûr. Modiste, c'est pas commun, ça fait beaucoup rêver de petites filles et de petits garçons d'être modiste plus tard. C'est quelque chose qui vous faisait rêver, vous, à la base, quand vous étiez plus jeune? Non, je pensais pas faire ce métier, mais je crois que ce qui m'a inspiré, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est les matières, le goût des matières, travailler les matières. Dans ce métier, on manipule des choses assez intéressantes, de la soie, de la voilette. Oui, des matières parfois luxueuses. Voilà, des luxueuses, des paillettes, tout ça, de la paille, du feutre. Hein. Ouais. Donc tout l'assemblage de ces matières, le travail technique de ces matières pour donner au final un chapeau. Qui soit. Et comment on apprend justement à manier toutes ces matières qui sont totalement différentes des unes des autres, qui ne se travaillent pas forcément de la même façon? Vous avez quoi? Vous avez suivi une formation pour être modiste? Alors non, mais il y a quand même une école à Coutances qui, au lycée Thomas Pesquet, qui forme des modistes. Donc chaque année, je prends des jeunes filles, des stagiaires de cette école qui font un CAP après le bac. Voilà, moi j'ai appris un peu différemment. Auprès de deux meilleures ouvrières de France, ce métier, pas à pas, en fait, elles m'ont appris pendant des années ce métier. Voilà. Donc, je suis pas passée par une école, mais par la filière de l'apprentissage, pas à pas, bien entourée. L'école de la transmission. Voilà. Bah oui, forcément, vos chapeaux sont connus un peu partout chez nous maintenant. Et ils auront donc tout naturellement leur place sur l'espace métier d'art du FENO, Festival de l'Excellence Normande. C'est à Rouen, c'est ce week-end du 20 au 22 octobre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de vous retrouver finalement dans ce festival? C'est organisé par la région Normandie. Voilà, c'est une belle manière de mettre à l'honneur ces artisans nombreux en Normandie. Il y a beaucoup de talents. Donc là, sur cet espace métier d'art où on est 16 invités, c'est une reconnaissance déjà de mon travail et puis donner l'envie peut-être à des jeunes de venir discuter avec moi pour parler de ce métier, savoir où on se forme, justement à quoi ça correspond. Voilà, donc oui, c'est un peu loin de Cherbourg, mais c'est pas grave. Ah, il va falloir prendre les grosses valises. Vous avez mis quoi d'ailleurs dans les valises? Deux collections en fait, deux feutres pour l'hiver, parce qu'on s'attend à ce que je présente des chapeaux de ville et d'hiver, donc des beaux feutres. Et puis ma collection de chapeaux de pluie identitaires du Cotentin, ce travail en partenariat avec l'aquarelliste Denis Moulin. Donc c'est un chapeau de pluie réversible. Qui se porte quand il pleut ou pas d'ailleurs, et qui est imperméable, mais un côté uni et un côté avec une aquarelle qui reprend un coin de notre Cotentin, les cabanes de Couville, la plage de Carteret, Barfleur, les traversées de Tatillou. Voilà. Oh là là, la petite fierté du Cotentin va partir à Rouen. Je trouve ça assez original de quand il pleut, de porter fièrement ces coins du Cotentin. Bah oui, on les porte fièrement et on est fiers d'être dans le Cotentin. Patouche, chapeau, si vous souhaitez faire un tour dans leur atelier, rendez-vous au 10 rue Tour Carré, c'est à Cherbourg en Cotentin. Allez, vous restez avec nous dans 4 minutes. L'agenda présenté par Juliette Giraud, elle nous emmènera notamment pour une soirée humoristique jeudi soir. On parlera aussi d'un seul en scène. Tout ça juste après Big Mountain et Baby I Love Your Way sur France Bleu Cotentin. Oh baby I love your way, every day, yeah yeah. Yeah. Baby, I love your way et Big Mountain sur France Bleu Cotentin. L'agenda de vos loisirs, eh bien, c'est chaque jour sur France Bleu Cotentin. Et en ce moment, c'est avec Juliette Géraud. Juliette, vous êtes avec nous et vous avez une soirée pleine d'humour à nous proposer cette semaine. Un seul en scène, ce jeudi soir à Avranches, signé Thomas Poitevin. L'humoriste avait été propulsé pendant le confinement grâce à des vidéos très drôles et où il enfilait de nombreuses perruques pour montrer ses personnages. Aujourd'hui, il en a fait un spectacle, les perruques de Thomas, qu'il n'a pas oublié de promouvoir sur les réseaux sociaux. Écoutez. Marine, oui, le mec avec ses perruques, là, ça parle de quoi déjà? Eh ben, il joue des personnages. Ah bon, dis-le-moi avant que je... Dis-le-moi, parce qu'après j'ai l'air maligne encore. Je te l'ai dit. Voilà, le mec avec ses perruques vous propose donc toute une galerie de personnages drôles et tendres aussi. Rendez-vous à 20h30 au théâtre d'Avranches. Eh bien, on y sera. Et puis, ça se passe jeudi soir pour cette soirée humoristique. Mais si vous préférez frissonner, on a aussi quelque chose pour vous. Et oui, Halloween approche. Alors, pourquoi pas profiter d'une grande soirée musicale autour des plus grands monstre du cinéma. C'est proposé par l'orchestre universitaire de Caen-Normandie qui vient nous rendre visite jeudi soir à la salle des fêtes de Saint-Lô. Alors pour nous plonger dans l'ambiance des Dents de la Mer, d'Harry Potter ou encore de Caroline, rendez-vous à 20h30. Et pour finir, Juliette, un escape game gratuit vendredi soir à Beaumont-Hague. Oui, je vous en parle maintenant parce que les inscriptions, c'est jusqu'à demain soir. C'est à partir de 8 ans, donc ça fait une belle animation originale pour bien démarrer les vacances. Une heure pour retrouver une recette secrète, celle de grand-mère Madeleine. Recette enfermée mystérieusement dans un endroit secret, bien sûr, du grenier. Alors, qu'a-t-elle de si spécial et surtout, comment la retrouver? Eh bien, ce sera à vous de voir vendredi soir en vous inscrivant dès maintenant auprès de la médiathèque de Beaumont-Hague. Eh bien, ça donne envie. Merci beaucoup, Juliette, et toutes vos idées de sortie, c'est chaque jour dans l'agenda France Bleu Cotentin. Dans quelques minutes, notre jeu du bug avec votre station météo à gagner, mais pas que, il y a aussi le tote bag France Bleu Cotentin. Écoutez France Bleu Cotentin tous les matins, du lundi au vendredi jusqu'au 20 octobre. Pour gagner vos cartes carburant, votre carte cadeau de 100 euros, ou encore Bleuette, la mascotte mouton peluche pour les câlins malins. Car France Bleu Cotentin pense à tout, même au doudou. C'est le matin, c'est sur France Bleu Cotentin. Tournez la roue pour préparer la Toussaint. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Cotentin, ici, on parle d'ici. France Bleu Cotentin, 16h40, un petit point sur la météo. Pour les heures qui viennent, et bien toujours de la pluie, un ciel très chargé dans la région, avec cependant un temps qui devient de plus en plus sec avant la tombée de la nuit, et puis des rafales de vent toujours assez fortes aux alentours des 75 km/h en ce moment. Demain, ce sera à peu près la même chose, avec toutefois des éclaircies possibles de temps à autre. Les températures en ce moment, elles restent plutôt douces, et en revanche, on compte 18 degrés du côté de Valogne, 18 également à Lessay ou encore à Barneville-Carteret, 19 du côté de Carentan, et puis 17 à Cherbourg en Cotentin ou encore à Beaumont-Hague. Sur vos routes, que se passe-t-il en ce moment? On va jeter un petit coup d'œil. C'est surtout sur Cherbourg que ça ralentit pas mal. L'avenue Carnot qui est très encombrée en direction de l'avenue Jean-François Millet. Ça coince aussi vers le boulevard Robert Schumann. Ralentissement aussi en ce moment à avenue avenue de la ville quand vous allez vers le quai Alexandre III. Le quai Alexandre III, qui est lui totalement bloqué aussi quand vous allez vers le boulevard de l'Atlantique. Et puis le boulevard Pierre-Mendès-France, c'est pas mieux en direction de l'avenue Jean-François Millet. Ça coince aussi un petit peu sur le quai Collins, mais à part ça, rien d'autre de mon côté. 02 33 23 13 23 si vous rencontrez le moindre problème. L'infotrafic 100% local avec Marie Automobile, votre concessionnaire Peugeot dans le Cotentin et sur marieautomobile.fr. Le 16-19 France Bleu Cotentin, Dorian Barré. Et ça continue sur France Bleu Cotentin, ravi de vous accueillir si vous venez de nous rejoindre dans quelques instants. Eh bien là, on va jouer avec notre jeu du bug. Vous allez pouvoir gagner ce soir votre station météo France Bleu Cotentin, mais également le tote bag. Il est devant moi, il est tout joli avec le logo de France Bleu Cotentin en géant dessus. Alors le principe du bug, hein, il est très simple, je vous passe un petit bruitage et à vous de nous appeler et d'essayer de deviner de quel est ce bruitage, de quoi on parle. Eh bien tout ça juste après AA et The Sun Always Shines on TV sur France Bleu Cotentin. Très belle fin d'après-midi avec nous. The sun always shines on TV. The Sun Always Shines on TV, c'était AA sur France Bleu Cotentin. 16h47, allez, c'est le moment de notre jeu du bug. Je vous offre ce soir votre station météo France Bleu Cotentin, mais en plus de ça, votre tote bag, floqué aux couleurs de France Bleu Cotentin, bien entendu. Alors, je vous rappelle le principe de notre jeu du bug. Je vais vous faire écouter un petit bruitage et vous nous appelez dans la foulée au 02 33 23 13 23 pour essayer de deviner de quel bruitage il s'agit. Alors concentrez-vous, attention, c'est maintenant. Alors, de quoi on peut bien parler ? Qu'est-ce que ça signifie ce bruitage ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? 02 33 23 13 23, on vous attend. Et en attendant vos réponses, voici Je tourne en rond, Christophe Willem sur France Bleu Cotentin. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant ? Kimono et bras ballants, seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi, j'oublie mon rôle sans toi, et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Parti cheveux en bataille, faut voir comment je déraille, comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. Christophe Willem sur France Bleu Cotentin. Alors, on a joué à notre jeu du bug il y a quelques minutes pour tenter de trouver un son que l'on vous fait deviner. Et si vous avez la bonne réponse, eh bien vous repartez avec votre station météo France Bleu Cotentin qui est devant moi. Il y a le petit logo France Bleu dessus. Et puis en plus de ça, le tote bag floqué aux couleurs de France Bleu. Alors, je vous fais réécouter le son et puis après vous me donnez vos propositions de réponse. On va faire comme ça. Alors, ça peut paraître étrange comme son. Vous allez essayer de deviner. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas d'écran avec vos noms. Donc, je vais vous demander vos prénoms. On va commencer par le premier. Bonjour, bonjour, qui est là ? Bonjour, c'est Monsieur Massermel. Alors, très bien. Quelle est votre proposition ? Moi, j'ai pensé à une chasse d'eau. Pas du tout. Non, on n'y est pas. Non, dommage. À très bientôt. Prochain. Au revoir. Qui est en ligne avec nous ? Bonjour. C'est Daniel. Ah, Daniel, très bien. Bonjour Daniel. Quelle est votre proposition, Daniel? Moi, je pensais à un lavabo qui se vide, voilà. Un lavabo qui se vide. Ah, ça pourrait, ça pourrait. Genre le siphon quand on ouvre le bouchon, quoi. Oui. Ouais, mais non. Je suis désolé, Daniel, je suis désolé. Une prochaine fois, peut-être. À bientôt. Peut-être. Ensuite, qui nous rejoint? Bonjour. Qui est là? Ah, il y a du bruit. Votre prénom? Bonjour. Bonjour, c'est une femme. Votre prénom? Valérie. Valérie, quelle est votre proposition? Alors moi, je proposais un plongeur. Ah, on s'en approche, on s'en approche. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça pourrait être, un équipement du plongeur? Je vous mets sur la piste. le détendeur, là où qui est relié à la bouteille. Ouais. Je suis pas très convaincu, moi. D'accord. Bon, tant pis. Je vais être sympa. Plongeur, ça passe. C'était de la respiration dans un tuba. Ah oui. Bon, eh bien, je vous l'offre. C'est pour vous. La station météo France Bleu Cotentin. Merci. Ah, vous avez cru que c'était loupé, hein, forcément. Bah oui, non, parce que franchement, je pensais que c'était. Parce que j'ai eu l'occasion de faire une fois la plongée et ça m'a rappelé ça. Non, mais vous avez raison. Voilà, respiration dans un tuba, plongeur, on est dans le même thème. Donc j'accepte pour vous. Rappelez-moi votre prénom, pardon, j'ai déjà oublié, j'ai une mémoire de poisson rouge. Valérie. Valérie, très bien. Valérie, la station météo, elle est pour vous et le tote bag France Bleu Cotentin, vous allez pouvoir en profiter. Ah bah super. Je vous remercie beaucoup puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci Valérie, au revoir. Le jeu du bug retour demain, bien évidemment, et tous les soirs sur France Bleu Cotentin, Fanny Malek nous rejoint pour nous donner quelques explications utiles sur les objets numériques qui nous entourent. Alors le numérique, ça s'explique, et aujourd'hui, Fanny, eh bien dites-nous comment on fait pour bien entretenir son ordinateur, et surtout, combien de temps peut-il durer ? 3 à 5 ans, ces chiffres m'ont vraiment agacée. Mais pourquoi est-ce qu'on produit encore des objets qui tiennent si peu ? Est-ce que les gens jouent au frisbee avec ? Ou bien l'obsolescence programmée aurait-elle encore frappé? Bon, je pense qu'on a tous la réponse. À la bonne heure, la durée d'un ordinateur fixe, elle, serait de 8 ans. C'est déjà un peu plus long que l'ordinateur portable. Ça veut aussi dire qu'avant d'en acheter un neuf, on a intérêt à le faire réparer. Et surtout, à le bichonner. Bonjour Fanny, je suis ton ordinateur préféré. C'est vrai, j'aime bien quand tu me bichonnes. Mais moi aussi, j'aime bien te bichonner, Paul. Oui, j'ai surnommé mon ordinateur Paul, ça le rend plus sympathique. Voici quelques astuces pour faire vivre votre ordi plus longtemps, quel que soit son modèle. Déjà, l'entretien, c'est la clé. Il faut le dépoussiérer régulièrement, sinon la saleté peut l'endommager. Fanny, n'oublie pas de parler des produits ménagers. J'ai horreur de ça. Ah oui, merci pour le rappel. Oui, attention, si vous nettoyez l'écran et le clavier, évitez les produits ménagers agressifs. Un chiffon doux, ça suffit et c'est moins abrasif. Autre petit conseil, votre ordinateur, il aime pas trop la chaleur. Hein. Gardez-le dans un endroit frais. Si c'est un ordi portable, évitez de l'utiliser sur le lit ou sur le canapé, même si je sais qu'on y est bien. Ne l'utilisez pas non plus à l'intérieur de votre voiture en plein cagnard, ni dans votre four, évidemment, ça n'est pas adapté. Le numérique, ça s'explique. Vous n'avez pas non plus besoin de le laisser charger en permanence. C'est comme si vous preniez café sur café sur café. Ne branchez votre ordi portable que s'il en a vraiment besoin et éteignez-le quand vous ne l'utilisez pas. Pensez aussi à fermer les logiciels que vous n'utilisez plus, justement. Ça lui demandera moins d'efforts. Je confirme. Ah, on est d'accord, Paul. Enfin, essayez aussi de faire ces mises à jour régulièrement. Je sais, il y en a toutes les deux secondes, mais ça permet d'augmenter la sécurité de votre ordinateur. Avec tout ça, si votre ordi ne tient pas 10 ans, on ira rouspéter auprès des fabricants. Le numérique, ça s'explique avec Fanny Malek sur France Bleu Cotentin et vous pourrez écouter tout ça sur francebleu.fr et notre application ici, ICI. Avant les infos de 17h avec Sarah Saltiel-Rago, voici les Gibson Brothers et Kuba sur France Bleu Cotentin. You dance to the music. Gibson Brothers sur France Bleu Cotentin dans une petite minute. Les infos de 17h avec Sarah Saltiel-Rago. Le samedi et le dimanche matin, les amateurs de pêche se branchent sur France Bleu Cotentin. En fonction du grammage, en fonction du temps de descente. Ne manquez rien des bons conseils de notre expert, Danny Frigo. Le point fort aussi de cette période-là, c'est qu'on va pouvoir pêcher énormément au leurre de surface. Des astuces, des techniques, tout ce qu'un pêcheur doit savoir avant d'aller pêcher. Ça peut être l'occasion d'aller faire des petits coups du soir au bord de l'eau qui vont être sympas. Ayez un coup d'avance. Samedi et dimanche, les conseils pêche à 8h45 sur France Bleu Cotentin et francebleu.fr. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Cotentin. Nous sommes le mercredi 18 octobre. Vous avez choisi France Bleu Cotentin. Très bon choix, il est tout juste 17h. Et à 17h, les infos, c'est avec vous, Sarah Saltiel-Rago. Bonsoir. Bonsoir Dorian, bonsoir à toutes et à tous. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à des émeutes à Saint-Lô. C'était en juillet dernier, à la suite de la mort de Naël, victime d'un tir policier en région parisienne. Dans la Manche, les émeutes qui ont suivi étaient principalement dans le quartier Val-Saint-Jean à Saint-Lô. Et 8 personnes ont donc été interpellées hier, placées en garde à vue avant d'être libérées, indique le parquet. Le procureur de la République qui précise que l'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités de chacun. Toutes les précisions sont à retrouver sur francebleu.fr. Plus d'une vingtaine de pompiers mobilisés sur un violent incendie près de Perrier hier soir. C'était sur la commune de Millières. Le feu est parti de la cheminée et s'est propagé au comble. Les occupants ont été pris en charge par les secours, mais ils n'ont pas eu besoin d'être hospitalisés. En Israël, à chaque jour, son nouveau bilan pour les victimes françaises. Le nombre de morts passe désormais à 24 et 7 personnes sont encore portées disparues. 3500 Français ont été rapatriés, indique aujourd'hui Elisabeth Borne. Et puis sur le terrain, on apprend cet après-midi qu'Israël autorise l'entrée dans Gaza d'aide humanitaire via l'Égypte. Au moins 6 aéroports français évacués aujourd'hui à cause d'alertes à la bombe, vols déroutés ou retardés, grosses perturbations, notamment à Bordeaux et Toulouse. Les aéroports parisiens n'ont, eux, pas été touchés. Plutôt dans la journée, c'est le château de Versailles qui a dû être évacué pour la 3e fois en quelques jours seulement pour les mêmes raisons. La nouvelle est tombée hier, la cérémonie internationale avec les chefs d'État pour le 80e anniversaire du débarquement aura lieu dans le Calvados, ce sera à Saint-Laurent-sur-Mer, sur Omaha Beach. Mais deux autres cérémonies auront lieu dans la Manche, à Saint-Lô et Cherbourg. On en parlera justement demain matin à 7h45 avec l'invité de France Bleu Cotentin, Jean Quétier, le président du comité du débarquement. Du tennis, c'est la Fermand-Villaise Alice Robb fait son entrée en lice dans une demi-heure environ à l'Open Féminin 50 à Icœur-Dreville. La tête de série numéro 1 affronte la Belge Lara Salden. On vous donnera de ces nouvelles dans le journal de 18h tout à l'heure. Et puis en football, du renfort pour l'US Avranches. Le club du Sud-Manche accueille Damon Bancé, joueur en prêt en provenance du club de Quevilly-Rouen Métropole jusqu'à la fin de la saison. 17h02 sur France Bleu, l'heure de la météo. Et quel est le programme? C'est un petit peu humide, est-ce que ça va rester comme non, ça c'est dans vrai. Oui, écoutez, ça ne va pas aller en s'améliorant, c'est d'accord, tout ce que je peux bon. Vous dire. Est-ce que vous avez envie d'aller vous baigner sur les plages du Cotentin? Ah bah là, tout de suite, vu le temps, non. Parce que sinon, demain, température de l'eau, 17 degrés. Ah bah, c'est sympa, mais s'il pouvait... Oui, c'est un peu froid quand même pour y aller. Bah, pour la saison, on est en octobre quand même. Oui, oui, maintenant. Mais 17 degrés, il faut être courageux pour mettre les pieds dedans quand même. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, Sarah. Moi, c'est plus la pluie qui me dérange que la température de l'eau, c'est vrai. Si vous bon, voulez. Bah, la pluie, écoutez, ça ne va pas s'arranger. Demain, ce sera toujours la même chose avec des averses qui vont survenir tout au long de la journée. On aura toutefois quelques éclaircies possibles dans l'après-midi. On aura toujours un vent assez fort aux alentours des 65 km/h et puis des températures qui, elles, elles, vont rester plutôt douces. Là, si je jette un petit coup d'œil au lever du jour demain matin, eh bien, on attend 16 degrés du côté de Barneville-Carteret, 16 également à Valognes, et jusqu'à 17 degrés à Cherbourg dans l'après-midi. L'air low, on voit pas la différence. C'est vrai. Dans l'après-midi, on ne dépassera pas les 19 degrés. La météo 100% locale avec Gymazan à Valognes, le spécialiste du sur-mesure, mobilier, salon, literie, cuisine et sur gymazan.fr. Sur vos routes, ça coince toujours énormément en ce moment sur Cherbourg. En revanche, sur les routes et autoroutes aux alentours, ça se passe plutôt bien. Alors, que se passe-t-il à Cherbourg? Eh bien, c'est rouge dans tous les sens. On a en ce moment le quai Alexandre III, pardon, qui bloque en direction du boulevard de l'Atlantique. Ça coince également sur le boulevard Pierre-Mendès-France en direction de ce boulevard de l'Atlantique. Ralentissement également sur l'avenue de la Ville quand vous allez vers le quai Alexandre III. On s'abouche aussi sur l'avenue Carnot, sur l'avenue de l'amiral Lemonnier quand vous allez vers le boulevard de l'Est, et puis un petit peu plus au sud de Cherbourg, que se passe-t-il? La rue Sadi Carnot qui est totalement bouchée elle aussi, tout comme la rue Joliot-Curie. Voilà, bon, c'est assez compliqué. En cas de souci, évidemment, vous nous prévenez, le 02 33 23 13 23, et puis surtout on lève le pied, on ralentit, parce qu'avec la pluie, eh bien, ça peut glisser. Merci Sarah, et à tout à l'heure 18h. Oui, à tout à l'heure. Le 16-19 France Bleu Cotentin, Dorian Barré. Et ça continue, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Bleu Cotentin. Ravi d'être avec vous ce soir jusqu'à 19h. Alors dans les minutes qui viennent, eh bien, on va partir au cinéma. Je vais vous emmener au cinéma Viking de Saint-Lô, retrouver Clément Jodocius, hein, son directeur. Et on parlera avec lui d'une avant-première qui se déroulera dimanche à 13h45 avec l'équipe du film. L'avant-première de l'Abbé Pierre, Une vie de combat. Donc vous restez avec nous, on le retrouve dans un instant. Et puis vous pourrez également gagner vos places pour le cinéma Viking de Saint-Lô. Tout ça après Alain Souchon sur France Bleu Cotentin. C'est la balade de Jim. Merci d'être avec nous. La balle du soleil, La douceur de la balade de Jim, signée Alain Souchon sur France Bleu Cotentin. Et je vous rappelle que dans un instant, eh bien, on va retrouver aussi notre studio ouvert, c'est-à-dire qu'on vous ouvre le studio de France Bleu Cotentin et vous venez parler de vos événements en une minute chrono. Alors si vous organisez un événement ce week-end, la semaine prochaine ou même celle d'après, eh bien, vous nous appelez 02 33 23 13 23 et le but, le défi, venir parler de tout ça en une minute top chrono. On vous attend tout à l'heure. Mais pour le moment, direction le cinéma viking de Saint-Lô, avec Clément qui est en ligne avec nous. Bonjour Clément. Bonjour Dorian. Ravi de vous retrouver sur France Bleu Cotentin. Alors, il y a plein de belles choses qui se passent en ce moment au cinéma viking de Saint-Lô, et notamment une jolie avant-première qui arrive dimanche à 13h45. Effectivement, une très belle avant-première du film L'Abbé Pierre, qui sort le 8 novembre et qu'on passe en avant-première dimanche à 13h45, et en présence du réalisateur Frédéric Tellier. Donc à la suite du film, il y aura un débat de questions-réponses, donc le public pourra poser des questions qui durera à peu près 45 minutes, donc vraiment une séance exceptionnelle. D'autant plus que moi j'ai vu le film hier, c'est vraiment un film formidable. Ça retrace vraiment, c'est vraiment un biopic sur l'abbé Pierre. On voit toute sa vie de ses 20 ans jusqu'à sa mort, vraiment. Donc on voit l'évolution. C'est interprété magnifiquement par Benjamin Laverne. Vraiment un film à voir et que je conseille fortement et qui fera parler de lui dans les semaines qui viennent. Donc sorti le 8 novembre, hein, c'est ça, et donc en avant-première au cinéma viking de Saint-Lô dimanche à 13h45. Alors on écoute un peu la bande-annonce et puis on se retrouve juste après pour continuer de détailler un petit peu ce joli film L'Abbé Pierre, une vie de combat. J'étais à vos côtés sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous et vous ne faites rien. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais maintenant seulement, écoutez. L'Abbé Pierre, une vie de combat, à découvrir donc en avant-première dimanche 13h45 au Cinéma Viking de Saint-Lô. Justement, si on veut venir, Clément, est-ce que c'est le prix d'une séance habituelle ? Oui, c'est le prix d'une séance habituelle. Ça vaut vraiment le coup pour dimanche parce qu'il y aura vraiment un échange avec le réalisateur, donc vraiment un échange qui durera au moins 30 minutes voire une heure. Mm-hmm. Donc voilà, c'est une séance vraiment que je conseille aux gens qui, déjà le film est magnifique, et en plus de pouvoir échanger avec celui qui a réalisé le film, parce que vous le verrez dans le film, il y a énormément de création de costumes puisqu'on traverse les époques de 1930 jusqu'à 2007. Benjamin Laverne l'interprète tout au long de ce stage-là jusqu'à sa mort. Les costumes et les maquillages sont assez incroyables, franchement, et on découvre encore plein de choses qu'on ne savait pas sur l'abbé Pierre. Donc voilà, c'est vraiment un coup de cœur et un conseil pour aller le voir. Eh bien, ça se ressent que vous l'avez apprécié, ce film. Ouais. On pourra donc le voir dimanche à 13h45 et ne surtout pas louper en avant-première au Cinéma Viking de Saint-Lô. Et puis, un petit mot rapide avant de se quitter, Clément, deux autres avant-premières qui arrivent aussi lundi et mardi. Oui, effectivement. Donc, on fait des avant-premières qu'on avait déjà passées avec l'équipe de films qui était venue. Donc, le lundi, c'est second tour de Albert Dupontel qu'on avait reçu au mois de juin. Ouais. Et mardi, c'est 3 jours max, donc le nouveau film de la bande à Fifi qu'on avait reçu aussi en septembre. Voilà, donc second tour, le film d'Albert Dupontel est aussi très très réussi, et 3 jours max, bah pour les fans de la bande à Fifi, ça plaira aussi, quoi. Ouais, second tour, j'ai eu la chance de le voir et je peux vous dire que c'est un film à ne surtout pas louper, ouais. Et à découvrir au Cinéma Viking de Saint-Lô. Tout le programme évidemment sur cinemaviking.fr. Merci beaucoup Clément. Merci Dorian, bonne journée. Merci à vous aussi, à très bientôt sur France Bleu Cotentin. On joue tout de suite et je vous offre eh bien vos places pour aller au Cinéma Viking de Saint-Lô. Pourquoi faire compliqué ? On peut faire très simple. Alors, petite question quand même, qui est le réalisateur du film L'Abbé Pierre, une vie de combat ? On vient d'en parler. Albert Dupontel ou Frédéric Tellier ? 02 33 23 13 23 et vous irez au Cinéma Viking de Saint-Lô. Qui est le réalisateur du film L'Abbé Pierre, une vie de combat ? Albert Dupontel ou Frédéric Tellier ? 02 33 23, 23, 13, 23. Et en attendant vos réponses, voici le nouveau single de Jane sur France Bleu Cotentin. Ça s'appelle Night Heights. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, cause my heart beats too loud. Flashing lights, good and sin on the skin. Facing surprise, like two falling autos. The moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be, baby. All night I'm so high, baby. All night I'm lost in your eyes, baby. All night I'm so high, baby. All night I'm lost in your eyes. Can you feel the love inside of me? Can you feel the love inside of me? Extrait de son nouvel album The Fool, c'était Night Hides Jane sur France Bleu Cotentin. Sachez que d'ailleurs, pour cet album, elle a dessiné elle-même un jeu de tarot dans lequel chaque carte représente une chanson de l'album. Alors The Fool était représenté par le Joker et la Night Hides est symbolisée par la pleine lune. C'est la carte de tous les désirs, une tentation extrême à laquelle on s'abandonne. Un état passionnel plus fort que nous, comme le disait Jane à nos confrères de Pure Chart. Allez, on retrouve tout de suite Réjeanne qui nous rejoint. Bonjour Réjeanne, bonsoir plutôt. Bonjour. À cette heure-ci. Comment ça va ? Ça va très bien. Vous nous appelez d'où ? D'Agnour. Ah, Agnour, très bien, à côté de Saint-Lô. Alors Réjeanne, peut-être deux places pour vous pour aller au cinéma Viking de Saint-Lô, mais qui est le réalisateur du film L'Abbé Pierre, une vie de combat ? C'est Albert Dupontel ou Frédéric Tellier ? Frédéric Tellier. C'est une excellente réponse, c'est Frédéric Tellier. Un film, on en parlait avec Clément du cinéma Viking il y a quelques instants, qui sortira le 8 novembre et que vous pourrez découvrir en avant-première dimanche après-midi au cinéma Viking de Saint-Lô. Vous allez peut-être y aller, Réjeanne, je ne sais pas. Oui, j'irai voir le film L'Abbé Pierre dimanche, oui. Et bah, avec grand plaisir, et vous êtes invité par France Bleu Cotentin. Profitez-en bien. Je vous remercie beaucoup. Merci, à très bientôt. Au revoir, Réjeanne. Merci, au revoir. Vous restez avec nous, on vous ouvre notre studio dans un instant. Venez nous parler de vos événements en une minute chrono. 02 33 23 13 23. France Bleu Cotentin Solidaire, c'est votre rendez-vous quotidien avec ces manchois qui font bouger les lignes. Que ce soit pour soutenir un projet humanitaire, être un relais pour aider des personnes dans la précarité. Et donc, on a apporté 300 cahiers. Lancer un appel à bénévoles ou aider une association à monter un projet. Chaque jour, nous mettons en avant une initiative solidaire dans la Manche. Sortir de cet handicap, il faut qu'on puisse envoyer Ava à Los Angeles. Donc ils ont besoin des groupes électrogènes pour avoir de la lumière et puis un peu de chaleur. France Bleu Cotentin Solidaire, chaque matin à 8h20. Tu verras plus passer les heures. Voyou est à Saint-Lô pour la 14e édition des Rendez-vous Soniques. Que rien ne t'atteigne, pas même les jours plus. Rendez-vous au Parc des Expositions le vendredi 10 novembre. France Bleu Cotentin, partenaire des Rendez-vous Soniques du 3 au 11 novembre. Le 16-19 France Bleu Cotentin, Dorian Barré. 02 33 23 13 23, on vous ouvre notre studio, venez parler de vos événements en une minute chrono. Tout ça juste après le grand Francis Cabrel. Les questions d'équilibre sur France Bleu Cotentin. Je vous souhaite une très belle soirée. Tout seul ce soir, j'ai les bras collés au comptoir. Pieds en bas dans la poussière, la tête là-haut dans le brouillard. Dans tous les couloirs, j'ai cru revoir les courbes de ton corps. Dans toutes les salles des aérogares, dans toutes les cales des navires du port. Besoin de toi pour vivre, c'est une question d'équilibre. Quand t'es parti, ça m'a coupé les ailes. Depuis, le plancher m'appelle. Le plancher m'appelle. Le plancher m'appelle. Faut pas m'en vouloir, je suis pas en état de te revoir. Je veux dormir en essayant de croire que que c'est encore un de tes retards. Mais tous les autres m'agacent, ceux qui parlent haut, ceux qui parlent fort. Je ne vois que toi dans l'écran de glace, entre les bouteilles de saveur confort. J'ai besoin de toi pour vivre, c'est une question d'équilibre. Quand t'es parti, ça m'a coupé les ailes. Et depuis, le plancher m'appelle. Le plancher m'appelle. Le plancher. Question d'équilibre, Francis Cabrel sur France Bleu Cotentin. C'est le moment de vous ouvrir notre studio. On va retrouver Patrick tout de suite. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, vous nous appelez d'où vous exactement? Alors je vous appelle de la ville de Villedieu-les-Poêles. Très bien, à Villedieu-les-Poêles. Alors, ne me dites pas quel est votre événement, je vais lancer le chrono. Vous connaissez le principe de studio ouvert. Une minute, top chrono, pour nous parler de votre événement. Patrick, vous êtes prêt? Oui. Eh bien attention, 3, 2, 1, c'est à vous. Oui, eh bien l'association STPS et Ville d'Art propose une série de 3 conférences, dont la deuxième a lieu le 19, c'est-à-dire demain à 20h30. Elle parle de la question de l'humanisme dans l'art. C'est à salle des fêtes de Rouffigny à 20h30. Et cette conférence est faite par Bruno Dufour-Coppolani, artiste peintre saint-lois, qui a une agrégation option art plastique depuis 1989 et qui est fait des conférences depuis plus de 15 ans. On vous attend nombreux. La participation est de 5 euros. Et ensuite, il y a un petit verre de l'amitié. Voilà. Très bien, bon bah vous avez fait moins d'une minute Patrick. Ah bah, alors puisqu'il me reste 15 secondes, est-ce qu'on va pouvoir poser des questions aussi tout au long de cette conférence? Alors la conférence est prévue sur 1h10. Ouais. Ensuite il y a un échange entre le conférencier et le public. Qui dure à peu près une vingtaine de minutes et après c'est le pot de l'amitié, voilà. Très bien, bon, on a fait un peu plus d'une minute mais je vous ai reposé une petite question. Bon Patrick, c'est noté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et bonne conférence. Merci. À très bientôt Patrick, au revoir. Voici Stéphane et Petit K sur France Bleu Cotentin. C'est mieux comme ça, avant de découvrir le collector de Nicolas Lespaul aujourd'hui. Belle fin de journée. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro, où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans drague, où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, que tu crois. Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? C'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire, et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça?

que l'on se gâche. Je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. C'est tellement beau, tellement légendaire. C'était en 1995, pour que tu m'aimes encore. Céline Dion sur France Bleu Cotentin, un morceau signé Jean-Jacques Goldman. Et c'était donc dans la discothèque France Bleu Collector de Nicolas Lespaul. Dans les minutes qui viennent sur France Bleu Cotentin, un petit point évidemment sur la météo et vos conditions de circulation. Et puis juste après, on passera un coup de fil à Lionel Suarez. Il sera en concert au Trianon de Valogne jeudi le 19. 9 octobre, donc tout juste demain. À ne surtout pas louper, il viendra nous parler un petit peu de ce qu'il fait, parce qu'il est sur scène, seul, mais bon, pas si seul que ça, avec de la musique. Allez, on le retrouvera donc tout à l'heure après Hop, The Final Countdown sur France Bleu Cotentin. Final Condom, Europe sur France Bleu Cotentin. Vous restez avec nous, un point sur la météo et vos conditions de circulation dans une minute. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Askolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Cotentin, ici, on parle d'ici. France Bleu Cotentin, 17h42, un petit point sur la météo pour demain. Bon, déjà pour ce soir, eh bien c'est de la pluie et encore de la pluie. Ça ne s'arrête plus. Demain, donc, un ciel qui va rester chargé avec des averses qui peuvent survenir tout au long de la journée. De temps à autre, entre deux nuages, eh bien on aura quelques éclaircies qui viendront percer le ciel. Et puis un vent qui va rester assez fort aux alentours des 65 km heure. Sur les rivages manchois, un vent de secteur sud de 15 à 20 nœuds attendus demain et une mer qui va rester peu agitée avec une température de l'eau vers les 17 degrés. Les températures dans l'air justement demain matin, eh bien on attend 16 degrés à Barneville-Carteret, 15 du côté de Valognes et puis 17 degrés à Cherbourg en Cotentin ou encore du côté de Granville. Et puis, ah oui, sur vos routes, pardon, excusez-moi, j'étais à l'ouest, hein, comme on le dit. Et justement, je vais vous parler du boulevard de l'Est qui bloque en ce moment, notamment la Nationale 13 qui coince quand vous allez vers Tours-la-Ville et vers ce boulevard de l'Est. On a aussi des ralentissements directement sur la D901 au niveau de la zone industrielle de Maison-Georges. Et quand vous vous dirigez ensuite vers la fosse du Gard et puis à l'intérieur de Cherbourg, c'est un petit peu bloqué également, notamment sur la rue Joliot-Curie, vers la rue Becquerel, la rue Becquerel qui bloque elle aussi vers le boulevard de l'Atlantique, le quai Alexandre III qui est toujours pas mal encombré, mais il y a des travaux à ce niveau-là. Ça ralentit toujours également boulevard Pierre Mendès France et puis du côté du boulevard Carnot. Voilà, si de l'avenue Carnot, pardon. Voilà pour les ralentissements. En ce moment, si vous rencontrez le moindre souci, le moindre obstacle, 02 33 23 13 23. L'infotrafic 100% local avec Marie Automobile, votre concessionnaire Peugeot dans le Cotentin et sur marieautomobile.fr. Le 16-19 France Bleu Cotentin, Dorian Barré. Allez, on continue sur France Bleu Cotentin jusqu'à 19h et dans les minutes qui viennent, on va accueillir Lionel Suarez. Il sera en concert demain au Trianon de Valognes et ça donne ça. Accordéon, bien entendu. Alors on me dit au standard que l'on n'arrive pas à joindre Lionel. On va tout faire pour l'avoir. Et puis on le retrouvera peut-être, qui sait, dans un instant. Après Katy Perry, I Kissed a Girl sur France Bleu Cotentin.

Joseph Kamel, celui qui part sur France Bleu Cotentin. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous en ce moment même et jusqu'à dimanche à Cherbourg pour l'Open féminin 50 pour voir évidemment de beaux matchs de tennis et encourager tous nos joueurs et toutes nos joueuses surtout puisque c'est un Open féminin. Donc rendez-vous jusqu'à dimanche à Cherbourg. Et puis si vous voulez vous occuper ce soir, rendez-vous au long cours de Coutances pour l'avant-première exceptionnelle du film Flot en présence du navigateur Philippe Poupon. 19h tout à l'heure, le pot d'accueil et 20h la projection du film suivi d'un petit temps d'échange. Soyez au rendez-vous. Voici les Bronski Beat tout de suite sur France Bleu Cotentin. C'est Small Town Boy. Les Bronski Beat et Small Town Boy sur France Bleu Cotentin. Vous restez avec nous dans 3 minutes. Les infos de 17h présentées par Sarah Saltiel-Rago. Et on va revenir notamment sur le Stade Malherbe de Caen qui met en vente un beau maillot. Vous en saurez plus dans quelques instants. Restez avec nous sur France Bleu Cotentin. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie. C'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La Nostalvie ». À ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. « La Nostalvie » de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. Actuellement, faire des économies est une priorité pour un grand nombre d'entre nous. Commençons par la facture énergétique de votre logement. Je Rénove en Cotentin vous accompagne dans cette démarche. Définir vos travaux, trouver les solutions les mieux adaptées à votre projet, choisir le meilleur devis et surtout, trouver et mobiliser les financements disponibles. Proposé par l'agglomération du Cotentin, en partenariat avec France Rénove, Je Rénove en Cotentin est un service entièrement gratuit et accessible pour tous les habitants du territoire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lecotentin.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Cotentin. Merci d'être avec nous. Nous sommes le mercredi 18 octobre. Vous avez choisi France Bleu Cotentin. Excellent choix. Il est tout juste 18h et non 17h, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Parfois, on se perd un petit peu dans les jours. Les infos tout de suite avec vous, Sarah Saltiel-Rago et 8 individus interpellés à Saint-Lô hier. Oui, ils sont soupçonnés d'avoir participé aux émeutes dans la ville. Bonsoir Benoît Martin. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Des émeutes à Saint-Lô après la mort de Naël, ce jeune tué par un tir policier en juillet dernier donc. Oui, rappelez-vous, nous étions à la fin juin et début juillet, les quartiers populaires des grandes villes comme des petites villes de France s'embrasaient après la mort de ce jeune homme dans la Manche. C'est le quartier du Val-Saint-Jean à Saint-Lô qui devenait le théâtre durant quelques nuits de scènes de tirs de mortiers, d'incendies et de poubelles, ainsi que de quelques voitures également brûlées. 4 individus, dont 2 mineurs, avaient d'ailleurs été interpellés lors des faits par la police. 3 mois et demi plus tard, nous voilà en milieu du mois d'octobre, 8 autres émeutiers présumés ont donc été identifiés par la police et interpellés hier. D'après nos informations, 5 d'entre eux sont majeurs. Les 3 autres sont mineurs, le plus jeune âgé de 16 ans seulement. Les enquêteurs seraient remontés jusqu'à eux grâce à l'analyse d'images vidéo tournées lors des faits, mais aussi grâce à un témoignage. Le procureur de la République de Cherbourg a confirmé à France Bleu Cotentin qu'ils avaient été placés en garde à vue levée depuis, mais l'enquête se poursuit pour déterminer les responsabilités de chacun d'entre eux. Merci à vous Benoît Martin, vos explications sont à retrouver sur l'application ICI. Un jeune homme de 19 ans gravement blessé dans un accident de la route hier après-midi. Deux voitures se sont percutées à forte vitesse à 40 ans. La victime était piégée à l'intérieur de son véhicule. Une fois libérée, elle a été transportée vers le centre hospitalier de Saint-Lô. Nouveau 49-3 à l'Assemblée nationale ce soir. La première ministre engage la responsabilité de son gouvernement sur le budget 2024. Le pays a besoin de ce texte fondamental, argumente Elisabeth Borne. Dans la foulée, la France insoumise annonce une motion de censure en réponse. Les obsèques de Dominique Bernard, l'enseignant tué dans l'attaque terroriste de vendredi dernier, auront lieu demain. Cérémonie à 10h en la cathédrale d'Arras, en présence d'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron. Lors de l'hommage, lundi, 357 perturbations sont remontées au ministère de l'Éducation. Le bilan des victimes françaises en Israël, revu à une nouvelle fois à la hausse. On compte désormais 24 morts et 7 personnes sont toujours portées disparues. Depuis les attaques du Hamas le week-end dernier, 3500 ressortissants ont été rapatriés en France. Dans ce conflit, une question anime la communauté internationale. Que s'est-il passé à l'hôpital Al-Ali de Gaza? Une explosion a retenti hier soir. Le Hamas annonce plus de 400 morts et accuse Israël. L'État hébreu répond qu'il s'agit selon lui d'un tir raté de roquettes depuis Gaza par le groupe djihad islamique. Le président américain Joe Biden, arrivé en Israël aujourd'hui, affirme que les données américaines disculpent Israël. Le pays qui annonce par ailleurs aujourd'hui autoriser l'entrée dans Gaza de l'aide humanitaire par l'Égypte. Et on passe au sport avec les matchs qui s'enchaînent à l'Open de tennis féminin 50. Et aujourd'hui, entrée en lice de la tête de série numéro 1 de la compétition, la Fermanvillaise Alice Robe. On retrouve tout de suite Anthony Rimbaud en direct du complexe de tennis d'Écœur d'Auville. Anthony, le match de notre manchoise est un peu retardé. Oui, effectivement, même beaucoup retardé le match d'Alice Robe, tête de série numéro 1 de ce tournoi, vous l'avez dit, son tournoi même on pourrait dire, puisqu'elle est comme à la maison ici, elle doit affronter dans quelques minutes maintenant, en tout cas on l'espère, parce qu'il y a encore des matchs avant qui ne sont pas terminés. Elle doit affronter une Belge de 24 ans, classée 632e mondiale. Effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est attendue, Alice Robe, déjà depuis le début de l'après-midi, puisque son match était prévu à partir de 14h30, et il n'a toujours pas démarré, la programmation a pris du retard et dès le début de l'après-midi, eh bien les spectateurs étaient déjà là dans les tribunes à attendre l'enfant du pays, les tribunes du complexe Louise Michel qui sont pleines à craquer en attendant le début du match d'Alice Robe. C'est vrai que depuis ses apparitions sur les tournois du Grand Chelem, Alice Robe, eh bien encore gagnée en popularité, elle a fait, on le rappelle, on en avait parlé sur France Bleu Cotentin, le troisième tour des qualifs à Roland-Garros, participation aussi aux qualifs de l'US Open et Wimbledon. Et la manchoise qui est là, ici aussi dans la Manche, pour prendre des points, pour espérer découvrir l'Open d'Australie en janvier. Ça passe déjà par une victoire tout à l'heure face à cette joueuse belge. Match à sa portée, largement à sa portée. Et si elle passe ce premier tour, eh bien on connaît déjà son adversaire. Alice Robe affrontera en huitième de finale une joueuse britannique classée au-delà de la 800e place mondiale. Anthony Rimbaud en direct de l'Open féminin 50. Et en attente donc de l'enfant du pays. En football, l'entraîneur de l'US Orléans poussé vers la sortie. Bernard Cazoni est accusé de propos racistes envers ses joueurs. Après l'enquête interne de son club, il est convoqué en vue de son licenciement dans une semaine. Un nouveau joueur pour l'US Avranches, originaire du club de Quevilly, Rouen Métropole. Damon Bancé arrive en prêt dans le Sud-Manche. Il restera jusqu'à la fin de la saison. Et c'est un club victime de son succès. Eh oui, le Stade Malherbe de Caen a mis en vente aujourd'hui un maillot collector pour les 110 ans du club de football. Et malgré les 117 à 130 euros qu'il fallait débourser, ils sont tous partis en à peine une heure et demie. Des maillots qui seront, à n'en pas douter, sur les épaules des supporters samedi pour la réception d'Auxerre. Ce sera au stade d'Ornano. Mon côté météo, Dorian, c'est humide, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, vous croyez, là, vu le temps dehors, vous pensez que c'est humide. Bah, si on pense le contraire, il y a un problème. La pluie qui continue de tomber, ça va se poursuivre jusqu'à ce soir. Ce sera la même chose demain, avec un ciel assez chargé dès le début de la journée et des nuages qui laisseront passer de temps en temps quelques éclaircies. Et encore, faut y croire. 10 mm de pluie attendue demain et des rafales de vent qui seront toujours assez fortes, 65 km/h. Un vent de sud-est assez fort, donc il va frapper le Cotentin demain. Sinon, au niveau des températures au lever du jour, ça va rester plutôt doux, entre 15 degrés du côté de Granville, 16 à Valognes et à Barneville-Carteret, et puis 17 degrés du côté de Cherbourg. La météo 100% locale avec Gymazan à Valognes, le spécialiste du sur-mesure, mobilier, salon, literie, cuisine, et sur gymazan.fr. Et sur vos routes, en ce moment, ça coince au niveau de Granville. Enfin, quand vous repartez de Granville, sur les départementales 924, nous sommes entre Giron et Lalande. Ça bloque un petit peu quand vous vous dirigez ensuite vers la route de Villedieu. Sinon, les ralentissements principaux, eh bien, sont concentrés sur l'agglomération de Cherbourg. On a toujours des ralentissements sur l'avenue Carnot qui est en travaux. Ça bloque toujours également du côté du quai Alexandre III. Toujours des petits ralentissements rue

Il a débuté sa tournée, je me souviens d'un adieu chez nous en Normandie. C'était à Rouen il y a 3 semaines et il sera de passage au Zénith de Caen. Notez-le le vendredi 8 mars 2024. Michel Sardou sur France Bleu Cotentin avec Je vole. On joue tout de suite notre jeu du saute-mouton pour vous. Alors, évidemment, vous connaissez le principe. Un extrait musical, un mouton qui vient se glisser entre deux pour cacher un petit mot et à vous de retrouver le mot caché. Alors, je vous offre ce soir vos 2 places pour le concert de Nick Waterhouse dans le cadre des rendez-vous Sonic de Saint-Lô, la 14e édition qui se déroulera du 3 au 11 novembre prochain. Alors ce concert de Nick Waterhouse, il aura lieu le 10 novembre à 20h30 au théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô. Donc si vous voulez aller y faire un tour, les 2 places pour vous. Si évidemment, eh bien vous trouvez le mot caché, on joue avec ABBA et Voulez-vous, c'était en 1979. C'est très très difficile, hein. Non franchement c'est super simple. Alors quel est le moment quand? Est-ce que c'est on est là ou est-ce que c'est voulez-vous? 02 33 23 13 23 si vous avez la réponse. Et vous repartirez peut-être avec vos 2 places pour les rendez-vous soniques de Saint-Lô. Quel est le moment quand dans ce morceau d'ABBA en 79? C'est on est là ou voulez-vous? 02 33 23 13 23. En attendant voici Oshi sur France Bleu Cotentin avec son merveilleux single que l'on aime tous. Ça s'appelle Je partirai. Très belle soirée à tous. Dites-moi si je dors ou si je suis bien là. Je ferme les stores, cherche la lumière en moi. Dans mon corps, il doit bien y avoir ça. Dites-moi si on ne m'aime plus tant que ça. Ici la haine tue, putain je ne comprends pas. Pourquoi moi je leur sers d'appât. Aussi, je partirai sur France Bleu Cotentin. On a joué avec notre jeu du saute-mouton il y a quelques instants pour tenter de gagner vos places, je vous le rappelle, pour le concert de Nick Waterhouse dans le cadre des rendez-vous Sonic, la 14e édition qui se déroulera du 3 au 11 novembre à Saint-Lô. Alors, on a joué avec le morceau de Abba, Voulez-vous en 79. Écoutez, et puis je vais vous donner la réponse puisque c'est Richard qui l'a trouvé. C'était simple, hein, c'était « Voulez-vous ?» Voilà la bonne réponse. Et c'est Richard à Granville qui l'a trouvé. Félicitations à vous, Richard. Vous repartez avec vos places pour aller le vendredi 10 novembre applaudir Nick Waterhouse sur la scène des rendez-vous Sonic de Saint-Lô. Le jeu du saute-mouton de retour, bien sûr, dès demain sur France Bleu Cotentin. Bonjour les lève-tôt de la Manche, c'est Caroline. Le matin, pas de sonnerie incessante. Non, on met le 6-9 France Bleu Cotentin. Les infos locales, la playlist France Bleu Cotentin pour danser sous la douche, le trafic pour éviter les bouchons du matin, les cadeaux et la bonne humeur, c'est sur France Bleu Cotentin. Voilà. Vous faites pas rire quand je bois du café, après, ça peut être dangereux. Le 6-9, c'est votre rendez-vous incontournable pour bien démarrer la journée du lundi au vendredi sur France Bleu Cotentin. D'ailleurs, je vais prendre du café pour être tranquille. Et à regarder sur France 3 Normandie. Théâtre, télé, humour, toute la culture est chaque soir sur France Bleu. Et bonjour, David Lantin. Mon invité ce soir est comédienne, animatrice, scénariste et réalisatrice. Ancienne figure de Canal+, c'est l'humoriste que je recevrai ce soir. Elle vient nous présenter son premier spectacle mis en scène par un certain Alex Lutz. C'est Anne de Pétrini qui sera avec nous dès 20h30 sur France Bleu. La scène culture sur France Bleu, chaque soir, dès 20h30. Le 16-19 France Bleu Cotentin, Dorian Barré. Voici Coulaine de Gang tout de suite sur France Bleu Cotentin avec Fouèche. Et savez-vous comment on peut allier une bonne action en allant voir un classique du cinéma français? Eh bien, la réponse dans un instant dans notre France Bleu Cotentin solidaire avec Lionel Robin qui recevait ce matin Godefroy Bossir après Coulaine de Gang sur France Bleu.